Ah, il pogne ses joues. À distance. Je vais faire. Je prends mes mains comme ça, puis il fait là à distance. Vas-y, vas-y, fais-le là. Je tire la joue de Dan, j'ai envie, puis ça. Moi, je leur ai crapouti la tête avec mes doigts. Okay. Il faisait des bruits, finalement. Il crapoutit la tête avec des doigts, comme un insecte. Ça sent bien violent, là, tu dis. OK. David Ferron a pris une petite pause dans le coin du studio où on avait dit qu'il était tantôt puis qu'il se faisait. On l'a mis en pénitence. Il est en train de se planter le crayon dans le bras, c'est pour vous dire. T'as pas besoin de prendre ton auto ce matin. Juste une bonne swing. T'as pas de micro dans le coin, par contre, David. Il n'y a pas de micro. David Ferron s'est rejoint à nous. Bon retour à toi, je tenais à le mentionner. Parce que ça risque de dérailler de sa faute, par sa faute. Fait que si je ne dis pas, on ne saura pas de qui ça venait. Il est tout outré, pauvre gars. Il a raison d'être outré. Il est sur son dos depuis tantôt. Bon, mais tu sais, il est littéralement sur son dos. Sur son dos, c'est ça. On manquait de chaise. La narratophilie, ce qui m'a fait vraiment bien rire. C'est faire des choses avec un narrateur de documentaire. Non. C'est Charles Sartre. Utiliser un vocabulaire obscène. Dirty talk. Ben, ce qu'on fait ici, finalement. Comment ça va? Les aveugles sont en train de fondre, bitch! Ça a l'air pas mal tout de nous exciter. Parce que... Je veux juste... David, pardon, David. Qu'est-ce que tu dis, donc? Plus... En soutien. Ouais, ça, je voudrais qu'on m'entende. Qui est soutien sur sa chaise. Vas-y, vas-y. Faudrait qu'on entende. C'est ça qu'on compte sur ta chaise. Je veux qu'on entende que David pendant les prochaines secondes. Qu'est-ce que t'as dit? Ah ouais! On va aller le chercher de toute façon. Ben, c'est comme Charles Sartre qui fait « Allez, les ours sont en train d'aller. Ah oui, mon petit ourson. Dans la nature sauvage. Oui, encore. » OK. Ferron. Là, je l'ai manqué. Je l'ai eu deux fois tantôt. Mais oui, hein, tu veux, on dirait que ça t'a sorti de la tête. Hey, non, mais c'était impossiblement drôle, ce segment-là, pour vrai. Oh mon Dieu, mais c'est un feu roulant. Ça a pas... Non, mais c'est... David Ferron. Tu peux pas l'aimer, il est tellement drôle. J'ai mal aux abdos juste à y repenser. Vraiment, là, ça fait mal rire comme ça avec David Ferron. On l'adore et il est présent les mercredis à 8h pour sa chronique La langue dans ton oreille. C'est des extraits de ça qu'on a entendu en studio featuring de Jean-Philippe Charbonneau, Annabelle Maton, Danny Janvier, Stéphanie Paradis et moi. Hey, toute une team. Hey, c'est tag team d'enfer. Même quand il était dans le coin, il était drôle. Il parlait, puis il n'y avait pas de micro avec lui, mais il parlait pareil, comme si on l'entend. C'était ridicule. Mais pour moi, sur le coup, tu sais, j'ai pas allumé. Je fais comme, ben oui, il passe. Comme, ben oui, pourquoi il parle? Pourquoi il parle? En ce moment, il n'y a pas de... Mais pour vrai, quand je l'ai vu s'en aller dans le coin, je me suis dit, c'est impossible. Il ne peut pas passer tout ce temps sans parler. Non, mais c'est sûr un, qu'il va un grand orateur. Oui, oui. Un grand orateur. David Ferron. Bref, c'était un Ferron classique, un segment qu'on fait régulièrement, un segment récurrent au Palmarès c'est fou, où on vous présente le meilleur de lui, David Ferron. Voilà. Mais il y a juste ça, des bons moments. Ça a été difficile de faire un montage de ça, pour vrai. Bon, d'accord. En passant, pour ceux qui ne sont pas au courant encore, Assemblage Requis, pendant tout le mois de janvier, on avait le mois de janvier PIC, un événement nouveau à tous les jours d'Assemblage Requis. On a présenté un nouveau segment qui s'appelle Un instant classique édition Palmarès, dont vous allez entendre les meilleurs moments des Palmarès c'est fou maintenant à Assemblage Requis, une semaine sur deux, les lundis matins.